dans cette maison. Parfois, quand je ferme les yeux, je me vois bleue et grande. Une nouvelle fois, je me vois m'envoler. Une nouvelle fois, je me vois m'envoler. Mon corps léger, porté par sa propre lumière. Et cela n'est pas moins réel qu'un arrêt de bus sous la pluie. Ou que les cris de la télévision. Parfois, quand je ferme les yeux, tout devient clair. Tout fait sens. Comprendre n'y est pour rien. Je sens tout circuler, vivre et vibrer en moi. Alors je respire. Alors je lâche. Alors je me souviens que je suis. Je suis celle qui m'observe, me voit rire et pleurer. Celle qui suit le fil de la rêveuse. Celle qui inonde et irradie chaque cellule. Je suis dans le chaos comme dans l'harmonie. Je suis en toi aussi, puisque tu écoutes mes mots, puisque tu suis mon histoire. Tu tisses avec moi la toile de cet instant. Si tu le veux bien. Alors sourions ensemble si tu le veux bien. J'entends grogner l'orage. C'est qu'il n'est plus.